Le comité préparatoire national pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectusan 2017 de Roumanie vient d'être constitué. À l'occasion du rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectusan 2017, le comité préparatoire a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles en l'honneur de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits immortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il.